smack les mauvais légales. Vive la rue sur des dalles, ces ruses illégales. Trop s'agit-il, s'agit d'agir, trouver sa sagesse pour un meilleur devenir. Smack les drôles et les dalles, smack les mauvais légales. Vive la rue sur des dalles, ces ruses illégales. Trop s'agit-il, s'agit d'agir, trouver sa sagesse pour un meilleur devenir. Et je viens d'en bas, où le gris colle à la dalle, où les petits deviennent grands, y'a de quoi en perdre les pédales. Les parents dépassés, les frères n'y arrivent plus. Très vite seul dans la rue, le hardcore te salue. La morve qui coule du nez, le sourire endiablé. Mais qu'est-ce que tu veux faire, leur objectif le blé. Tout le monde connaît cette époque et puis cette génération. Délinquant on relève, chacun sa réaction. Loin du droit de savoir, je parle de faits réels. Où dès l'âge de 13 piges, ça squatte toutes les ruelles. Ils veulent tous le pouvoir, pour eux tout est possible. Viens leur faire la morale, y'a rien d'inaccessible. Le respect ne paye pas, ça vient défier les cailles. C'est eux-mêmes qui se dirigent et cela sans gouvernail. Je me questionne beaucoup trop au sujet de leur avenir, ça devient très important, que vont-ils devenir? Ça squatte les drôles et les dalles, smack les mauvais légales. Vive la rue sur des dalles, vive ces ruses illégales. Trop s'agit-il, s'agit d'agir, trouver sa sagesse pour un meilleur devenir. Ça squatte les drôles et les dalles, smack les mauvais légales. Vive la rue sur des dalles, vive ces ruses illégales. Trop s'agit-il, s'agit d'agir, trouver sa sagesse pour un meilleur devenir. Loin des favelas, mais loin du contexte idéal. Sorte de bidonville glace, sous subsiste le ghetto moral. Ici où l'insouciance n'est plus, trop de petits sont dans la rue. À la chaude d'autres se font border ou des histoires leur sont lues. Regarde les grands dehors, en YZ, quoi, 12 CBR, shit, billard, courage, Schmitt, carton rouge et vestiaire. Pour la rue n'est qu'un jeu, mieux que sur PS. Le but est que dans leur poche, est mieux que des pièces. Et à 15 piges ou moins, ça se prend pour des darons. Sacrés savent, les parents veulent se courage contre les pions. Ça soit les halls et les dalles, smack les gauves et les gales. Rêve d'un monde idéal, mais prendre le bis illégal. Ici où Scarface est encore vedette, où le crime fait recette, où trop de petits morts sont en quête. Adré jette leur révolution par un malgré la fin, au risque de faire pleurer la masse. Ça soit les halls et les dalles, smack les gauves et les gales. Vive la rue sur des dalles, vive ces ruses illégales. Trop s'agit-il, s'agit d'agir, prouver sa sagesse pour un meilleur devenir. Ça soit les halls et les dalles, smack les gauves et les gales. Vive la rue sur des dalles, trop s'agit-il, s'agit d'agir, prouver sa sagesse pour un meilleur devenir. Trop s'agit, rêve d'être caïd, bédave du sale shit. Une vie sans exit, où l'illicite devient ce qui excite. Trop hésite, ici ou là, apparence crédite, où le rêve d'une réussite. C'est implicite. Au collège t'y compte, ton père te voit du balcon. Méga roro, tout du bâton, quand ses œillères tomberont. Le côté obscur t'attire, tu mens, tu satures. Marre de toutes ces conneries, on sent très vite l'usure. Une vie portée à la satire, alors tu ne rêves que de satin. D'avoir un gun à la ceinture et de provoquer le destin. L'odeur de la rue est bonne, mais t'as capté, tu déconnes. Des symboles pathétiques bétonnent ta vie chic mitonne. Soprano l'idole, le but le monopole. Baggy au Cosla, Mino est proche de l'auréole. Les mandatés pour fleurissent, ton avenir a fleuri. Ta mère pleure chaque soir. Tu joues le fier, tu souris. Ça squatte les drôles et les dalles, smack les mauvais légales. Vive la rue sur des dalles, vive ces ruses illégales. Trop s'agit-il, s'agit d'agir, prouver sa sagesse pour un meilleur devenir. Ça squatte les drôles et les dalles, smack les mauvais légales. Vive la rue sur des dalles, vive ces ruses illégales. Trop s'agit-il, s'agit d'agir, prouver sa sagesse pour un meilleur devenir.